Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, un constat, sans appel, implacable. Si l'océan meurt, nous mourons. Car les poumons de la Terre, ce ne sont pas que les forêts, ce sont surtout les mers qui produisent les deux tiers de l'oxygène que nous respirons. Pollution sonore, déchets plastiques, destruction des estuaires, braconnage, surpêche, autant de menaces qui pèsent sur l'océan, sa faune et sa flore. Autant de menaces qui pèsent sur nous, les hommes, car la biodiversité marine est nécessaire à la formation du plancton, ces micro-organismes essentiels à notre survie et à la production d'oxygène. Alors, pour sauver la planète et ses habitants, certains agissent, luttent, comme Sea Shepherd, une organisation de défense des océans fondée par le très controversé Paul Watson. Parfois qualifiés d'éco-terroristes, les combattants de cette ONG multiplient les actions coup de poing depuis 40 ans pour défendre les baleines, les requins, les dauphins, les thons, les tortues, tous ces animaux marins sur lesquels, nous l'oublions trop souvent, repose la pérennité de l'espèce humaine. C'est donc une plongée mouvementée dans les eaux de l'activisme écologiste radical que nous vous convions aujourd'hui avec l'histoire de Sea Shepherd et de Paul Watson. Notre invité aujourd'hui, Gilles Boeuf, biologiste, spécialiste de la biodiversité, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Nouveau-Brunswick, Canada, 1950. Dans un village de pêcheurs de la baie de Passamaquoddy, terre ancestrale d'une tribu amérindienne du même nom, la vie suit son cours, tranquille. Le petit Paul Watson, premier-né d'une fratrie de 7 enfants, grandit les yeux rivés sur les phoques de la baie, les bateaux de pêche qui reviennent du large et l'océan Atlantique. À 17 ans, le jeune Paul se fait embaucher comme garçon de passerelle sur un bateau de la marine marchande norvégienne. Il y découvre la vie en mer. Les albatros qui frôlent l'eau sans jamais la toucher, les bancs de poissons volants, le soleil qui tombe sur la mer le soir. Il découvre le monde aussi, le Mozambique, l'Iran, la Chine, et toutes les injustices envers les hommes et les animaux. L'apartheid en Afrique du Sud, le traitement réservé aux Indiens d'Amérique, les maltraitances infligées au bétail à bord des navires de commerce, un monde peu recommandable. De retour au Canada en 1971, Paul Watson, 21 ans, s'engage au sein du Don't Make Away Committee, qui bataille contre les essais nucléaires au large de l'Alaska. L'action du comité est couronnée de succès. Le gouvernement américain abandonne les tests. Mais Paul Watson veut aller plus loin. Avec Jim Bolen et Irvin Stove, il fonde alors ce qui deviendra l'une des ONG les plus connues au monde, Greenpeace. Nous sommes en 1975, quand Paul Watson et le navire Greenpeace 4 se lancent dans l'opération Achab, destinée à empêcher les soviétiques de chasser la baleine au large de la Californie. Pour le jeune activiste, c'est un tournant et c'est l'acte fondateur de la légende qu'il construira au fil de nombreux ouvrages et documentaires consacrés à sa vie. Depuis un an, l'équipage rôde la stratégie risquée que Watson a imaginée. S'interposer à bord de petits zodiacs pneumatiques entre les baleines et les chasseurs afin de bloquer les harpons. Mais alors que Paul Watson, devenu bouclier humain, tente de protéger un banc de baleines poursuivi à pleine vitesse par la flotte soviétique, un harpon à tête explosive pénètre le corps d'une femelle. Rugissement de douleur, ruisseau de sang. Alors que la bête agonise, Watson croit son regard flottant, celui d'un être qui part. Et il y perçoit une conscience, chancelante, oui, mais profonde. « Sa vie change », racontera-t-il. Désormais, il la consacrera à la protection des baleines et autres espèces marines. Avec Greenpeace, toujours, il s'engage en 1977 contre la chasse aux blanchons, ces jeunes phoques qu'on tue pour leur fourrure. En visite à Terre-Neuve, Paul Watson croise Brigitte Bardot qui défend aussi la cause de ces animaux. Il décide de la faire photographier aux côtés d'un bébé phoque sur la banquise. L'image fait le tour du monde et Valérie Giscard d'Estaing interdit le commerce de fourrure de phoque en France. Mais pour Greenpeace, la clairvoyance médiatique de Paul Watson, qui sait utiliser la presse et les pin-ups, ne suffit pas à compenser certains de ses comportements. L'homme est intrépide, trop peut-être. À Terre-Neuve, il a jeté à l'eau la matraque et le matériel d'un chasseur de phoques. Les limites de la non-violence et donc de l'acceptable ont été franchies. Paul Watson est exclu du comité de direction de Greenpeace. Il démissionne. Le Canadien fonde alors sa propre organisation, la Sea Shepherd Conservation Society, dédiée à la défense des animaux marins. Sa conviction ? Les banderoles et les pétitions, armes favorites de Greenpeace, ne suffiront pas à sauver l'océan. À quoi bon éveiller les esprits si les coupables courent toujours ? La première cible de Sea Shepherd, ce sont donc les coupables, justement, les hors-la-loi, les braconniers. Et la première mission de l'organisation, agir, les stopper, par tous les moyens. Sea Shepherd, c'est donc un combat radical, celui de l'action directe, violente parfois, pour une cause essentielle, un combat porté par un guerrier passionné, un berger des mers controversé, Paul Watson, dont voici quelques mots. Le genre humain a appauvri la biodiversité jusqu'à la limite de l'effondrement. Nous prenons et nous ne donnons rien en retour. Pour que les océans se repeuplent, nous devons arrêter de puiser dedans, car l'humanité ne peut survivre sur cette planète avec un océan mort. Le changement climatique est une réalité, et il aura une influence sur chacune de nos vies, mais plus important encore, il va ravager la vie de nos enfants. Les climato-sceptiques nous traitent de Cassandre, alarmistes et pessimistes, mais ils oublient une chose, Cassandre avait raison. Si elle était maudite, c'est que personne ne la croyait. En 1979, après plusieurs mois de préparatifs, la pièce maîtresse de la stratégie de Paul Watson est enfin prête. Le Sea Shepherd, un vieux chalutier britannique restauré par un petit groupe de volontaires. En juillet, le capitaine Watson et son équipage mettent les voiles. Direction le Portugal et ses plages dorées. Mais le périple n'a rien d'une croisière farniente. Si le Sea Shepherd traverse l'Atlantique, c'est pour traquer le Syrah, un balayé hors-la-loi responsable de la disparition des baleines à bosse dans la mer des Caraïbes. Le 16 juillet, le Syrah était prôné à deux reprises par le Sea Shepherd près des côtes portugaises. Une opération risquée, que raconte Paul Watson dans Pirates des Océans. Nous heurtâmes le Syrah à la proue, là où était le harpon, avec l'intention de rendre l'arme inutilisable, mais plus important encore, de prévenir l'équipage de nos intentions. À l'impact, un tremblement traversa le navire. J'entendis l'écrasement du métal. Je vis les étincelles entre les deux points de contact et sentis l'odeur de la peinture brûlée. Je vis la proue endommagée. Nordegen, le capitaine du Syrah, encore à l'extrémité du pont, avait un fusil et commença à ouvrir le feu. Tout se passa très vite, mais j'avais la sensation que tout se déroulait au ralenti. Nous l'avons frappé à 15 nœuds, avec un énorme crash, quand notre étrave a ouvert la coque du Syrah jusqu'à sa ligne de flottaison. La coque déchirée, le Syrah est contraint de se diriger vers le port de Lake Soès pour subir de lourdes réparations. Quant au Sea Shepherd, Watson lui-même le livre à la justice portugaise. Mais aucune charge n'est retenue contre l'organisation, tant le scandale des vandales des mers est éclatant. L'éprenage du Syrah par le Sea Shepherd fait la une des journaux et révèle au grand jour les activités barbares et illégales des baleiniers. La mission Syrah, la première de cette envergure dans l'histoire de la lutte écologiste, initie une longue série d'opérations pour Sea Shepherd. Des bateaux pirates aux activités illégales sont coulés à quai, selon une même méthode. Un activiste de l'organisation écologiste s'introduit dans le navire, une fois l'équipage à terre. Il vérifie que les cabines sont vides, puis ouvre une valve dans la salle des machines pour laisser l'eau s'introduire dans les cales. Le temps de remonter, en quelques dizaines de secondes, le bateau s'enfonce. Les baleiniers pirates Isba 1 et Isba 2 sont ainsi coulés par des membres de Sea Shepherd dans le port de Vigo, en Espagne. En Islande, deux des quatre bateaux de chasse à la baleine sont sabordés dans le port de Reykjavik et une usine de viande de baleine illégale est détruite. L'attaque de Sea Shepherd fait alors les gros titres et met fin au commerce de ce produit en Islande pendant plus de 15 ans. À Taïwan, un chalutier à filets dérivants, des filets qui détruisent les fonds marins interdits par l'ONU, est coulé à quai. La tête de Paul Watson est alors mise à prix pour 25 000 dollars par des mafieux taïwanais. Mais pour le fondateur de Sea Shepherd, pas question de céder aux pressions. Désormais, son modus operandi est définitivement établi, loin du cliché de l'écologiste babacool des 70s. Avec Sea Shepherd, la défense de l'océan n'est pas une simple cause, c'est un combat âpre. Les volontaires qui s'engagent dans la flotte de Port Watson doivent répondre oui à la question suivante. Êtes-vous prêt à risquer votre vie pour sauver une baleine ? Car Paul Watson se voit comme un éco-guerrier. Et ses combats relèvent de la stratégie militaire, de l'art de la guerre. Il cite volontiers ses maîtres à penser Sun Tzu, un général chinois du VIe siècle avant notre ère, Miyamoto Musashi, un guerrier japonais du XVIIe siècle, et Napoléon, qu'on ne présente plus. Des militaires donc, mais aussi Gandhi et Martin Luther King, dont il adapte à sa sauce le principe de non-violence. Greenpeace nous traite de violents, mais nous, nous adhérons à la définition de la non-violence de Martin Luther King. King a dit « On ne peut pas commettre un acte de violence contre un objet inanimé ». Si vous retirez une arme à feu à quelqu'un qui va tuer un éléphant, eh bien, c'est un acte de non-violence, vous sauvez une vie, celle de l'éléphant. Donc lorsque la violence est utilisée pour détruire les armes à feu, on ne peut pas dire vraiment que ce soit de la violence. Nous, nous sommes bien plus non-violents que les Greenpeace. Destruction de navires, d'usines ou de fusils, mais l'argument qui parle au harponneur, au braconnier, hors la loi, explique Watson, c'est l'argent, ou plutôt la perte d'argent. S'attaquer à la propriété privée, la détruire, pour Sea Shepherd, n'est pas qu'une possible tactique, c'est une nécessité et le fondement même de l'art de la guerre de Paul Watson. L'autre assise de la stratégie développée dans les années 80 par Sea Shepherd, c'est la légalité et les limites de celle-ci. Car les actions de l'ONG, prenage, sabordage, sabotage, bien qu'elles puissent paraître illégales, ont rarement abouti à la condamnation de l'organisation et de ses membres. Les cibles des attaques de Sea Shepherd, en effet, agissent de façon illicite, qu'il s'agisse de baleiniers en Antarctique, de chalutiers à filets dérivants ou de pêcheurs de thon rouge. Leur intérêt n'est jamais de se retrouver face à la justice. Les plaintes, quand il y en a, sont souvent retirées ou classées. D'autant que l'organisation ne fait qu'appliquer la Charte mondiale de la nature, adoptée par l'ONU en 1982, et qui autorise les ONG et les individus à faire respecter les lois internationales de conservation de la planète. Sea Shepherd joue ainsi ce rôle que le gouvernement n'assume pas, tous les gouvernements, en raison d'intérêts économiques et politiques, autrement dit, faire respecter, oui, tout simplement, les traités et les lois qu'ils ont signés. Sea Shepherd upholds the law. We don't Conservation Society respecte la loi. L'industrie baleinière japonaise a été déclarée illégale par la Cour de justice internationale. Et cela est reconnu à l'échelle mondiale, peu ou prou. Nous, nous sommes contre les actions illégales. Sea Shepherd, ce n'est pas une organisation de protestation ou simplement une organisation anti-braconnage, mais ces braconniers ont des soutiens très puissants dans les entreprises et dans les gouvernements. Cela nous place dans une position de vulnérabilité, étant donné ces fortes influences. Les méthodes de Sea Shepherd renvoient à un imaginaire historique teinté de poésie populaire, la piraterie. Et Paul Watson, dès les années 90, décide d'assumer la sale image qu'on lui colle pour en faire un véritable outil marketing. Le drapeau des pirates, le Jolly Roger, devient l'emblème de Sea Shepherd, reproduit par milliers sur des objets de merchandising, style t-shirt, sweat, mug. Sous la tête de mort de l'étendard pirate, les os humains sont remplacés par le trident de Neptune, dieu de la mer, et par une crosse de berger. Car les volontaires de Sea Shepherd sont des pirates, oui, mais des pirates avec un code d'honneur et un grand cœur. Sur leur bateau, look agressif, la coque ornée à la proue de dents féroces, ils ne tuent ni ne volent, si ce n'est au secours des animaux menacés. Comme son maître à penser, le théoricien Marshall McLuhan, Paul Watson regarde les médias de masse avec lucidité, tout en acceptant de jouer leur jeu, parfois pervers. Communiquant hors pair, il le dit et le répète au fil des interviews. Les journalistes veulent du scandale, du sexe, de la violence et de la célébrité. Je vais leur en donner. Sexy, célèbre, un poil scandaleux, c'était Brigitte Bardot sur la banquise, évoque Greenpeace. Époque Greenpeace. Aujourd'hui, l'icône de Sea Shepherd, c'est Pamela Anderson. En 2012, elle troque son maillot de bain rouge pour une combinaison noire moulante estampillée Sea Shepherd. Devant les photographes, la star d'Alerte à Malibu, Naya Décolo, lance une émission vers l'Antarctique à bord d'un bateau baptisé Brigitte Bardot. Écoutons-la répondre, Léa Salamé, sur le plateau dont n'est pas couché. Quand vous voyez, vous, Pamela Anderson, comment vous avez été reçue à l'Assemblée nationale où les députés... On va regarder ça. Où les députés se sont battus pour se photographier avec vous, où les journalistes se sont à moitié battus également. Vous ne trouvez pas ça un peu pathétique qu'on en soit là pour défendre les animaux? Vous savez, je milite depuis 20 ans, depuis que je suis très jeune. J'ai empêché mon père de chasser, donc j'ai lutté pour la cause animale depuis très longtemps. Et j'ai rencontré Paul, et je voulais vraiment pouvoir attirer l'attention sur quelque chose d'important. Moi, évidemment, on me regardait beaucoup à cause de l'alerte à Malibu, et donc nous avons décidé de lutter pour le bien-être animal partout dans le monde. Et moi, je suis très attachée à Sea Shepherd parce qu'ils se battent sur le front, ils risquent leur vie pour les baleines, pour les dauphins, pour toute la faune marine. Nos océans sont en train de mourir. Si les océans meurent, nous allons mourir. Donc il faut protéger la biodiversité et notre planète. C'est ce qu'il y a de plus important à faire. C'est notre problème. Il faut vraiment lutter contre cela et nous ne pouvons pas nous reposer sur les politiques, juste sur nous-mêmes. Alors, moi, j'apporte ma petite contribution et j'utilise cette plateforme. Je vais l'utiliser jusqu'à ma mort. Mais l'arme médiatique principale de Sea Shepherd, ce ne sont pas les starlettes. À partir des années 2000 et le développement d'Internet, Paul Watson va prendre une habitude qui ne le quittera plus. Photographier et filmer chaque opération de Sea Shepherd, puis diffuser les images. La médiatisation des affrontements auxquels font face les bergers de la mer devient la cheville ouvrière de Paul Watson, la clé de voûte de son art de la guerre. Désormais, Sea Shepherd ne se contente plus de couler les navires ennemis à quai, elle les traque à travers les océans pour s'interposer et empêcher le pillage des fonds marins au grand jour. En 2007, le capitaine Watson va convaincre la télé américaine de diffuser une émission consacrée à ses combats. Entre Thalassa et Love Story, le concept de Whale Wars, justicier des mers pour la version RMC Découverte, est audacieux. Une saison à bord d'un navire de Sea Shepherd, façon télé-réalité, la promiscuité de la vie en communauté, les paysages hostiles de l'Antarctique. Du risque, du danger, du spectaculaire pendant 4 saisons. De fait, certaines images sont impressionnantes. Sous une houle de plus de 8 mètres, au milieu des eaux glacées de l'océan, Astral Sea Shepherd tente de stopper la flotte baleinière japonaise, dont le Nishin Maru, une bête d'acier sanguinaire de 8000 tonnes. Il s'agit d'entraver la progression de ces baleiniers illicites et leur ravitaillement en fioul par les bateaux-usines à l'aide de pièges à hélices, de canons à eau et d'un éperon télescopique géant visant à percer les coques des bateaux japonais. Le tout, donc, évidemment, devant les caméras de télé. Tout le monde est prêt? Très bien. C'est bon, allez-y. Allez, allez, allez, allez, allez, allez! C'est bon, on les a eus. Nishin Maru. Ici le Robert Hunter. Nous vous recommandons vivement de rejoindre votre port d'escale le plus proche. Ceci n'est pas un acte de protestation, c'est une action visant à faire respecter la loi. Vous avez enfreint les lois sur la réserve naturelle des baleines de l'Antarctique, sur le territoire antarctique australien et sur le traité de l'Antarctique. Veuillez arrêter immédiatement vos activités illégales ou nous serons forcés de vous y contraindre. Ça fait un an que j'attends de pouvoir faire ça. Le succès de l'émission et de la mission est total. Non seulement le budget de l'organisation explose grâce aux dons, mais Sea Shepherd dévoile au grand jour une réalité méconnue. En Antarctique, en effet, et sous couvert d'expérimentations scientifiques, le Japon envoie des baleiniers à l'assaut du cétacé dont la chair est très prisée dans la culture nippone. Une pratique qui viole un moratoire international et qui dure depuis des décennies, malgré la condamnation pour braconnage de la Cour de justice internationale de La Haye. Le parasitage systématique de la chasse à la baleine en Antarctique, mené par Sea Shepherd dans les années 2000 et 2010, constitue une véritable épine dans le pied pour le Japon. Car l'économie de la chair de baleine devient de moins en moins rentable. Chaque année, empêché par les troupes de Paul Watson, il pêche de moins en moins et dépense des sommes colossales pour réparer les dégâts causés par Sea Shepherd et contrer ses attaques. Tandis que des pays comme la France, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie se contentent de condamner verbalement le Japon, troisième puissance mondiale, Sea Shepherd, depuis plus de 15 ans, protège concrètement une espèce menacée. Skies go. Poison is the wind that blows from the north and south and east and far. Oh, mercy, mercy me. Mercy. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy, me. All things ain't what they used to be. Lost, Mother. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy, me. All things ain't what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that? Décennie 2010, l'ONG Sea Shepherd s'est durablement installée sur la scène de l'activisme écologiste. 11 millions de dollars de budget, 100 000 adhérents dans 36 pays différents, plus d'un million de followers sur Facebook, 30 employés, 12 bateaux, des antennes internationales, l'organisation est désormais une véritable machine de guerre. Oh certes, ce ne sont que quelques gouttes d'eau par rapport aux 3 millions d'adhérents de Greenpeace, forte elle d'un budget de 300 millions de dollars. Mais des gouttes d'eau dont l'écoulement régulier gêne considérablement. Mais avec le succès, c'est connu, viennent les critiques contre Sea Shepherd et son capitaine, Paul Watson. L'homme brut, direct, ne plaît pas à tout le monde, et il l'assume. Nous sommes là pour déranger les gens, basculer le statu quo, secouer le navire, dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, explique celui qui se décrit comme un fouteur de merde. Agitateur, mais aussi gourou omniprésent, sectaire, arrogant, dit-on. Au sein de Sea Shepherd, les adhérents n'ont aucun droit particulier. C'est le capitaine, président en titre de toutes les antennes nationales de Sea Shepherd, qui prend les décisions. D'ailleurs, Paul Watson l'avoue, il est le seul maître à bord, le chef suprême d'une autocratie bordélique, selon l'expression d'un journaliste du Point, embarqué à ses côtés en 2010. Et ceux qui ne sont pas contents peuvent partir. Dans Star Trek, le capitaine James Tiberius Kirk dit « Quand ce navire sera une démocratie, tu seras le premier informé. » Les navires n'ont jamais été dirigés de manière démocratique. Et nous ne cherchons jamais à faire l'unanimité ou à être conformes à l'opinion de la majorité. Cette indépendance d'esprit et d'action est par essence antidémocratique. Mais c'est ce qui nous a permis de rester fidèles à notre esprit d'origine et de ne pas diluer dans la compromission notre âme combative. Nous serons perçus comme des extrémistes jusqu'au jour où la défense passionnée de la nature cessera d'être considérée comme une idée radicale. Paul Watson, autocrate lucide, est souvent affilié à l'écologie profonde, ou deep ecology en anglais. Une philosophie fondée dans les années 70 qui considère l'humanité comme une partie d'un écosystème global, sans prédominance. Un positionnement dangereux, selon l'académicien Jean-Christophe Ruffin. En 2007, dans son roman Le Parfum d'Adam, il décrit les écologistes radicaux de Sea Shepherd comme des anti-humanistes qui accordent plus de valeur à la vie animale qu'à la vie humaine. I don't think that anything that I've done Moi, j'ai pas l'impression que ce que je fais reflète une haine contre l'humanité. Le mouvement qui est le nôtre, c'est le biocentrisme. Nous essayons d'illustrer que l'être humain fait partie de cet ensemble et l'être humain n'est pas responsable, n'est pas chargé de tout cela. Pour survivre en tant qu'espèce, nous devons pouvoir vivre avec les lois de l'écologie, en harmonie avec les autres espèces. Ce serait bien que l'on puisse survivre avec la planète. Mais pour y parvenir, nous devons nous adapter à la nature. La nature ne s'adaptera jamais à nous. Le problème de nos sociétés, c'est l'anthropocentrisme. L'homme pense qu'il est au centre de la création, qu'il est au-dessus de tout. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Les vers de terre, les arbres, les poissons peuvent vivre sur la planète sans nous. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais nous, nous avons besoin d'eux. Par conséquent, ils sont plus importants que nous. S'il récuse les accusations de misanthropie, Paul Watson n'hésite pas à dire des hommes qu'ils sont cupides, arrogants, destructeurs. Mais le vrai problème de l'humanité, selon lui, c'est le nombre. La croissance exponentielle de la population sera la cause de l'effondrement des écosystèmes et donc des sociétés, écrit-il en 2016. La solution, matière à controverse, faire moins d'enfants, contrôler les naissances. Selon le FBI, Sea Shepherd n'est pas qu'une organisation anti-humaniste, c'est un groupe terroriste. Et même, selon les classements officiels, la deuxième menace la plus importante concernant la sécurité nationale juste après l'État islamique. Les médias américains de masse, dont Fox News, présentent les adhérents comme des fanatiques végétariens dégénérés, éco-terroristes sauvages. L'organisation de protection de l'environnement Greenpeace dénonce elle-même des méthodes qu'elle juge dangereuse. Pierre Blaise, lui, est photographe indépendant, proche de Greenpeace, une organisation que Paul Watson n'épargne pas. Il refuse ses méthodes et s'exprime aujourd'hui en son nom. Comment peut-il affirmer qu'il n'est pas mortellement dangereux d'aborder un navire à 13 nœuds en Antarctique, à 1000 milles de toute terre habitée, dans un océan où la température est à 0 degré? C'est totalement criminel ce qu'ils font. Ils ont des projets parfois qui sont totalement criminels, totalement dangereux. Et même pour sauver les baleines, il est absolument impossible de s'associer avec ces gens. Pourtant, dans les faits, les actions de Sea Shepherd n'ont jamais provoqué la mort de quiconque. Pas de cadavres, ni de blessés, pas de bombes. Malgré les dénonciations de Greenpeace qui accusent Sea Shepherd de jeter de l'acide butyrique sur ses ennemis. Des critiques qui n'atteignent pas Paul Watson. Car la substance n'est rien d'autre que du beurre rance, nauséabond, oui, mais inoffensif. En tout cas, moins acide que le Coca-Cola, par exemple. Pour le capitaine Watson, l'ancien cofondateur de Greenpeace, l'ONG de sa jeunesse, n'est plus qu'une corporation bureaucratique, une multinationale sans âme, vendeuse de bonne conscience. Les dames tupperwares du mouvement écologiste, déplore-t-il. Lui, au contraire, continue à esquiver les coups, à combattre, traquer, prôner, confisquer les filets, s'interposer. C'est un combat incessant contre les méthodes stériles de Greenpeace, mais surtout contre les gouvernements, les grandes puissances, le capitalisme, les braconniers, les hors-la-loi. Octobre 2011, le Costa Rica, soutenu par le Japon, lance un mandat d'arrêt international contre Paul Watson, accusé de tentative d'homicide contre l'équipage d'un bateau de pêche. 6 mois plus tard, le président des Sea Shepherd est arrêté à l'aéroport de Francfort avant d'être placé en résidence surveillée au terme d'une semaine de détention. C'est un peu le José Bové du monde aquatique, Paul Watson, fondateur de l'organisation Sea Shepherd, traduire le berger de la mer, a été libéré par la justice allemande, moyennant une caution de 250 000 euros. Le Canadien est accusé d'avoir mis en danger un équipage costaricain. Il avait tenté d'interrompre une chasse aux requins en 2002. Il doit maintenant attendre la décision éventuelle d'extradition au Costa Rica. Coup dur pour celui qui ne rend de compte qu'aux baleines ou aux phoques. Pendant plusieurs semaines, Paul Watson respecte l'injonction de la justice allemande et pointe quotidiennement au commissariat de Francfort. Jusqu'au 22 juillet 2012. alerté par une source au ministère de la Justice de sa prochaine extradition, le capitaine prend la fuite. Caché sous une perruque, la moustache rasée, il quitte l'Allemagne en secret. Les autorités costaricaines et japonaises, furieuses, obtiennent alors son inscription sur la notice rouge d'Interpol. Cette liste, qui n'établit en rien une présumée culpabilité, contraint tout de même les pays membres d'Interpol à signaler l'entrée sur leur territoire d'un individu, disons, listé. Le statut de Paul Watson côtoie ainsi celui des criminels de guerre, des tueurs en Syrie, mais aussi du Dalai Lama, inscrit lui par la Chine. Selon ses détracteurs, la notice rouge, loin d'assurer notre sécurité, servirait avant tout de bâillon contre les opposants politiques de certaines grandes puissances. Recherché par le Costa Rica et le Japon, Paul Watson met les voiles, littéralement. Sur le Columbus, le bateau du navigateur Jean-Yves Terlin, il entame un périple de plusieurs mois dans le Pacifique. Seul, face à l'océan, son refuge, il abandonne un temps Sea Shepherd pour se consacrer à la poésie, sa passion. L'organisation se dote alors d'une direction à cinq têtes, dont les vétérans Alex Cornelissen, Peter Hammarstedt, Jeff Hansen, Gerd Fons et la jeune Lamia Essen-Lally, fondatrice de l'antenne française de Sea Shepherd, qui s'exprime sur France 3 Bretagne. L'évolution de l'image de Sea Shepherd a été très importante en France depuis 10 ans, puisque quand j'ai cofondé l'antenne en 2006, on était perçus comme des extrémistes radicaux. Et aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus compris, aussi parce que les gens comprennent mieux notre modus operandi et parce que la situation est de plus en plus dramatique. Donc les signatures de pétitions et la diplomatie ne suffit pas toujours, surtout quand il s'agit de braconnage. Parce que toute la diplomatie a eu lieu avant pour faire voter les lois. Une fois qu'elles sont votées, il s'agit de les faire respecter. Donc c'est là que nous on intervient. De toute façon, le braconnage sévit absolument partout. On a l'impression que c'est seulement loin, en Antarctique ou ailleurs, mais il y a beaucoup de braconnage en France. On a une zone maritime extrêmement importante, difficile à surveiller. Et les braconniers agissent non seulement contre l'intérêt de la vie marine, mais aussi des petits pêcheurs artisans qui, eux, respectent les règles. Malgré les déboires judiciaires de son président, Sea Shepherd continue de combattre, traquer et prôner. Des braconniers en Bretagne, donc, les baleiniers japonais en Antarctique, toujours, mais aussi les grains d'adrap danois, ces massacres traditionnels de dauphins aux îles Féroé, l'esclavage moderne sur les bateaux de pêche illégaux, le braconnage des œufs tortues à Mayotte, au Gabon, au Mexique, en Équateur, au Libéria, les pirates se font même corsaires au service des autorités nationales. Car depuis les années 2000, Sea Shepherd, à la demande de gouvernements qui n'en ont pas les moyens, patrouille officiellement pour protéger les côtes du braconnage. En Afrique de l'Ouest notamment, près de 40% de la pêche au thon, ce même thon qui finira dans les conserves de nos supermarchés, est INN, selon la terminologie, illicite, non déclaré et non réglementé. Des boîtes de thon qui coûtent peu, si ce n'est la vie de milliers de requins, baleines, dauphins, qui périssent chaque année coincés dans les filets de l'industrie de la pêche. Après 15 mois en mer, le fondateur de Sea Shepherd revient à ses amours sur la terre ferme, cette fois. Le combat, toujours le combat. Accueilli par la France en 2014, il y multiplie les conférences et publie un manifeste à l'occasion de la COP21 intitulé « Urgence, si l'océan meurt, nous mourrons ». Embarrassé par les mandats d'arrêt qui pèsent sur lui et l'empêchent de voyager à sa guise, Paul Watson ne s'avoue pas vaincu. Et il coordonne à distance les missions de Sea Shepherd dans l'Antarctique, dans l'océan Indien et en Méditerranée. En août 2017, il rejoint les États-Unis et fête les 40 ans de l'organisation dont il est le symbole et le souffle. Sea Shepherd, ce sont des centaines de milliers de baleines, de dauphins, de phoques, mais aussi de loups, d'éléphants et d'arbres sauvés depuis 4 décennies. Un combat dont le fondateur de l'organisation Paul Watson, capitaine pirate guerrier, peut être fier. Un combat aux méthodes controversées, difficiles à mener malgré la ténacité de ses instigateurs. Face à l'indifférence des populations et des gouvernements, face aux intérêts commerciaux et politiques, les bergers de la mer semblent parfois submergés. Le 29 août dernier, l'organisation annonçait même qu'elle suspendait l'une de ses luttes les plus emblématiques, la traque des baleiniers japonais en Antarctique. Devant les technologies militaires mises en place par le Japon pour éviter les bateaux de Sea Shepherd, Paul Watson et ses troupes ne peuvent plus lutter. Mais le capitaine prévient, cette retraite, le temps de fortifier les stratégies, n'est pas un abandon si Shepard poursuit sa lutte. They say he didn't have an enemy. This was a greatness to behold. He was the last surviving progeny, the last one on this side of the world. He measured a half mile from tip to tail, silver and black, with powerful fins. They say he could split a mountain in two. That's how he got the Grand Canyon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted, the great whale sprang full up and caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. Whites were drowned, the browns and reds set free. But sadly, one thing more. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'épopée de Sea Shepherd. Notre invité, Gilles Boeuf, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir si vous voulez. Oh, il est 15h. Vous êtes biologiste. Oui, c'est vrai. Vous êtes biologiste, professeur invité au Collège de France sur la chaire Développement durable, environnement et société, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle et vous êtes spécialiste de la biodiversité. Quelque chose m'a marqué, moi, dans le récit de cette aventure, c'est la philosophie de Paul Watson quand il considère l'humanité comme une partie d'un écosystème global et sans prédominance. Est-ce que vous, le biologiste, vous partagez cette opinion ? Oui, je suis assez d'accord. Ah. En fait, il faut que l'humain admette qu'il n'y a pas une nature d'un côté et l'humanité de l'autre. Nous sommes, un corps humain, je répète souvent, c'est au moins autant de bactéries sur sa peau et dans lui-même que de cellules humaines. Un bébé humain à la naissance, c'est trois quarts d'eau. Donc ça veut dire que l'humain sort d'un moule biologique qui est le même pour tous. Alors bien sûr, l'humain n'est pas que un animal, puisqu'on discute entre nous ici, mais on a une physiologie profondément animale. Pourquoi un humain a-t-il dans son sang du sodium, du potassium, des chlorures ? C'est notre mère ancestrale qui raconte l'histoire. Donc l'humain doit admettre qu'il est sur une planète. Alors d'abord, clairement, on n'est pas là pour sauver la planète, hein. Elle s'en fout, la planète. C'est-à-dire ce qui est important, c'est de sauver le bien-être de l'humain sur la planète. Et il se sauvera avec un minimum de respect vis-à-vis de la vie qui entoure l'humain. C'est ma première constatation. Donc moi, je suis Watson quand il dit « L'humain est cupide et arrogant. » Oui, ça c'est clair. Arrogant, surtout chez les hommes d'ailleurs, plus que chez les femmes. Donc il faut changer. We have to change. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la philosophie générale de l'humain, il est clair qu'il faut qu'il respecte beaucoup mieux son environnement pour avoir beaucoup plus de bien-être dans une démographie quand même qui est effectivement préoccupante. Ah oui, il le dit ça aussi. Pour vous aussi, ça fait partie des périls de l'humanité sur cette planète ? Non, oui et non. Je dirais, j'ai fait un papier dans Le Monde il y a quelques jours avec un démographe, hein, 10 milliards d'humains demain. Pour moi, il faut parler de la démographie, c'est vrai, mais on ne sait pas faire. Hein, le seul pays qui a légiféré, la Chine, il y a une quarantaine d'années, bon, a empêché la naissance, on estime, d'à peu près 500 millions de bébés. Donc nous serions aujourd'hui 8-1 au lieu de 7-6. Bon. Alors, quand je suis au Niger, par exemple, et je vois que c'est le pays où aujourd'hui les femmes font le plus d'enfants, comment voulez-vous qu'un président du Niger fasse quelques lois possibles ? Tout va passer par une réharmonisation de l'humain avec son système, et ça passe ça par l'éducation des petites filles. Hein ? Remettre les petites filles à l'école, leur apprendre ce qu'est une famille. Vous savez ce que disait Gandhi ? Gandhi disait « Élever un petit garçon, c'est élever une personne. » Élever une petite fille et l'éduquer, c'est élever une famille. Je souscris à cela. Donc, parler de démographie, oui, c'est pas le problème aujourd'hui, si vous voulez. Le premier qu'il faut prendre en compte, ce qu'il faut prendre en compte, bien sûr, c'est notre destruction systématique des écosystèmes, la pollution généralisée, la surexploitation des stocks, et bien sûr, la dissémination de tout partout. Et enfin, bien sûr, évidemment, le fait que l'humain aujourd'hui a bien un rôle dans le changement climatique. Alors, j'en conclus au passage que la femme est l'avenir de l'homme. Est-ce qu'il y a des espèces... Oui. C'est ce que vous dites aussi. Mais toujours, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des espèces clés essentielles à la survie de la planète, ou est-ce qu'on peut dire qu'elles sont toutes égales ? Alors, je sais que la question est porteuse de danger en disant qu'il y a des espèces plus importantes que d'autres, hein, mais est-ce que c'est la vérité ? Alors, pour vous répondre, je dirais, qu'est-ce que vous appelez important ? Parce que pour classer une espèce importante, il faut une référence. Dans la par survie. Rapport à quoi ? Par rapport à la survie de la planète et de la biodiversité. Vous savez, nous écologues, on a beaucoup regardé ça. Quand vous avez, par exemple, sur un arbre de Colombie, 700 espèces d'insectes, est-ce que le 623e a le même rôle que le 122e ? On n'en sait rien. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des espèces qu'on appelle keystone en anglais, clés de voûte, et qui sembleraient mieux organiser des écosystèmes. Mais il n'est pas question d'aller se dire « on sauve celle-là et pas les autres ». On ne sait pas faire de toute façon. Ce qu'il faut, c'est garder le tout. Et ce qu'on montre très bien aujourd'hui, c'est qu'un maximum de diversité rend un écosystème beaucoup plus résistant aux agressions et beaucoup plus résilient une fois qu'il a été abîmé. Donc, à protéger cette fameuse biodiversité et surtout la notion de diversité dans la biosphère. Je ne sais pas si on peut dire ça. Si, tout à fait. Fondamental. Bon, alors... En mer, aujourd'hui, on connaît à peu près 260 000 espèces, hein, connues, déposées dans les musées, pour un total sur la planète à peu près de un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes aujourd'hui. 13% dans l'océan. Mais est-ce qu'une baleine est plus importante qu'une cellule du phytoplancton ? Telle espèce de poisson plus importante que tel crustacé ? On peut pas répondre à cela. Ce qu'il faut, c'est effectivement retrouver de l'harmonie entre l'activité humaine et le vivant autour de lui. Nous sommes dedans, on en fait partie. Vous savez, quand je raconte ça, en Inde, ça fait 4000 ans qu'ils le savent. Hein. Nous, on l'a oublié, dans nos civilisations, dans les villes, maintenant en particulier. Et là, je suis Watson, quand il parle, en fait, du biocentrisme, hein, ce qui veut dire que, en fait, il y a l'humain dans une infinité d'espèces. Et quand vous avez l'humain, n'oubliez jamais une chose, l'humain n'est jamais seul. Il a avec lui son cortège de plantes d'intérêt agricole et ses animaux domestiques. Il y a plus de masse de vaches sur la Terre que de masse d'humains aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui fait la différence, juste deux chiffres. Quand l'humain arrête de bouger, parce que les femmes commencent à faire beaucoup d'enfants, il y a à peu près 12 000 ans, si je prends en considération les mammifères, hein, donc tous les humains d'époque, peut-être 5 millions d'humains, et ces mammifères domestiques, ils font à peu près 0,1% de la masse de tous les mammifères à l'époque. Aujourd'hui, c'est 90%. Ce qui veut dire que si je somme la masse de tous les humains et tous ces mammifères domestiques, c'est 90%. C'est clair. Alors, on va écouter Gilles Boeuf, on va écouter Paul Watson lors de sa déclaration en janvier 2016 à l'occasion de la sortie d'un manifeste publié pendant la COP21, et il met le doigt sur quelque chose apparemment très important. Il y a des solutions très simples au changement climatique, mais ce sont des solutions que personne ne veut entendre. Alors, c'est les solutions que j'essaye de transmettre. Tout d'abord, il faut que l'océan se restaure. Nous détruisons l'océan. Si l'océan meurt, nous mourrons. Nous ne pouvons pas vivre sur une planète avec un océan mort. Et nous avons une fenêtre de tir très réduite. Mais le problème est que personne n'en a quelque chose à faire. Et c'est réellement le problème. Nous savons, mais nous nous en fichons. Nous tuons 65 milliards d'animaux par an pour nous alimenter, mais ça produit plus de gaz à effet de serre que toute l'industrie du transport, et personne ne veut en parler. Alors, est-ce que vous partagez ce constat, Gilles Boeuf, sachant que là encore, Watson fait une hiérarchie. Quand il dit « si l'océan meurt, nous mourrons », on a envie de lui dire « oui, mais les forêts alors ?» Oui, alors là, je vais vous dire juste quelques aspects. Les relations océan-climat. L'océan est vraiment le régulateur essentiel du climat sur notre planète. Et ce qui est clair, c'est qu'il fait ce rôle parce qu'il est vivant. Hein, tout à l'heure, on parlait au début de l'émission du phytoplancton. Quand on a fait l'expédition Tara avec les collègues là récemment, donc un tour du monde, on a séquencé les virus, les bactéries et les microalgues de la surface de l'océan. On se rend compte qu'on a des analogies troublantes entre les gènes du phytoplancton et les gènes d'un bébé humain à la naissance. Hein. On a regardé le tube digestif des bébés. Alors, c'est vrai que l'homme sort d'un moule qui est le moule initial de l'océan, dans lequel le vivant avait un rôle fondamental. Nous ne pouvons pas fonctionner sans une symbiose avec ce vivant qu'on évoquait tout à l'heure. Donc l'océan a un rôle important. Et parlons d'ailleurs d'un océan, pas des océans. C'est l'humain qui a mis des frontières sur des cartes, mais ça n'existe pas. Il y a des mers différentes et un océan. Et c'est vrai que pour l'humain, on ne peut pas imaginer demain un climat régulé. On ne peut pas imaginer des ressources marines raisonnablement utilisées. On peut arrêter de le contaminer et de polluer, parce qu'on se contamine nous aussi, bien sûr. Hein. Et ça veut dire effectivement qu'il faut regarder différemment ce que l'on fait. Je suis Watson quand il disait à la COP21, d'ailleurs je l'avais croisé aussi à l'époque, les aspects qu'il développe. Battons-nous pour garder collectivement un océan en bonne santé. Ce qui veut dire arrêter de détruire le littoral, arrêter de polluer, arrêter de surpêcher, arrêter de disséminer tout partout, et tout faire pour que ce climat, en fait, on ne peut plus empêcher le changement climatique, c'est trop tard. Hein. Par contre, il faut qu'on fasse tout pour diminuer les effets. Cet impact. Le président Macron a fait sa réunion la semaine dernière, j'y étais, au One Planet Summit, où il dit cela, il dit effectivement, faisons tout pour ne pas laisser le système trop s'emballer. Paul Watson écrivait en 2012 que si l'industrie de la pêche continuait comme ça, je reste sur la mer, il n'y aurait plus de poissons avant 2048. Est-ce possible ? Alors ça, c'est pas lui qui a dit ça, c'est un Allemand qui avait fait un papier il y a quelques années, en 2006. Oh. Oh bah il l'a repris, ça lui appartient un peu maintenant aussi. Oui. Quoi. Voilà, on est d'accord, mais ça ne me gêne pas du tout. Et en fait, Fromm, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait en fait, en poursuivant la courbe actuelle des décroissances, en 2048, il disparaîtra le dernier poisson. Ah, bien sûr, j'y crois pas, parce que c'est trop simpliste. N'empêche que la philosophie et l'idée sont intéressantes. Hein ? Demain, on nous dit, par exemple, si on continue comme ça à relarguer du plastique, on aura plus de masse de plastique dans l'océan que de masse de plancton. Mmh. Et on a vu l'importance du plancton durant toute cette émission. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pêcher, pour moi, c'est une activité que je trouve très bien pour l'humain. Surpêcher est stupide. On tue en permanence la poule aux œufs d'or, alors que le vivant nous offre cette reproductibilité qui fait qu'aujourd'hui, quand on dépasse cette capacité du vivant à régénérer, on rentre dans un système de folie où on exploite des animaux vivants comme on le ferait avec un métal. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les espèces rares qui sont menacées, les poissons communs le sont aussi, on est bien d'accord. Quels sont les autres ennemis, les autres ennemis de la mer ? Quelles sont les autres menaces sur la mer au-delà de la surpêche ? La première, pour moi, c'est la pollution. Je dirais même avant la pêche, hein, la pollution. Parce que vous savez que cet océan, il récupère tout. Hein, les fleuves... Oui, on en fait une poubelle aussi. Il y a un papier récemment qui est sorti qui montre que 6 fleuves africains amènent pratiquement la moitié du plastique à l'océan. Donc, il faut qu'on regarde comment on peut réguler ces activités. C'est aussi, bien sûr, la destruction du littoral, la dissémination de tout partout. Hein. Quand vous avez un tanker géant de 250 000 tonnes qui part de Rotterdam et qui relargue une eau de mer contenant des virus, des bactéries, des microalgues à Abu Dhabi ou à Oman, ça pose des problèmes considérables sur l'environnement, bien évidemment. Et puis on revient à cette question toujours que j'évoquais du rôle de l'océan dans la régulation du climat. On va écouter maintenant Gilles Boeuf, Paul Watson, une deuxième fois. Cette fois, il est interviewé par Pascal Clark sur notre antenne de France Inter, et c'est en 2015. Vous dites, Paul Watson, faudrait que tout le monde, dès aujourd'hui, arrête de manger tout poisson. Il n'y a pas assez de poissons dans les océans pour nourrir des milliards de gens. C'est pas possible. 7 milliards d'individus. Et 40% des poissons ne sont pas mangés par des êtres humains. C'est pour de la nourriture pour bestiaux, pour animaux. on donne plus de poissons à nos chats que ce que mangent les requins. And chickens are eating more fish than all the world's albatross and puffins. En fait, les poulets mangent plus de poissons que les albatros et toutes les autres espèces marines. And the worst one of all, we have to catch 70 fish out of the ocean to raise one salmon on a salmon farm. Il faut pêcher 70 poissons en mer tout simplement pour faire grandir un saumon dans une ferme d'élevage de saumon. Alors, il est bien gentil, notre ami Paul Watson. Enfin, il oublie aussi les vertus diététiques des poissons, du poisson. En tout cas, pour l'homme, hein. Il avait raison, la comparaison avec les poissons qu'on donne aux animaux, bon, ça peut être un peu choquant, mais pour l'homme, est-ce que, comme lui, vous pensez qu'il faut arrêter de consommer du poisson? Non. Je ne suis pas là-dessus entièrement. Je connais bien Paul, donc je sais qu'il est vegan. Bon, moi, ça ne me gêne absolument pas que des oies soient vegan. Au contraire, hein. Ce que je considère pas correct, c'est quand les vegans veulent que tout le monde soit vegan demain. Je pense qu'un enfant a besoin de manger un peu de viande, un peu de poisson. Ce qui est clair pour moi, je vais être un peu solennel, il faut en manger beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est clair. Moins de poisson, moins de viande. Ceci étant dit, il faut effectivement qu'on harmonise la ressource. C'est vrai qu'aller faire du cochon ou du poulet avec des poissons pêchés au large des côtes du Chili ou du Pérou, on peut en discuter. D'abord, oui, ils pourraient être mangés par des humains. Et deuxièmement, ils pourraient servir à bien autre chose, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, il faut voir effectivement comment ça alimente les gens. Alors, je suis pas du tout contre l'élevage. Hein. On a vu des problèmes récemment d'abattage contre lesquels je m'élève aussi. D'autant plus que quand vous avez élevé avec amour un animal, et les paysans le font, s'il est mal abattu, vous tuez par un stress intense la qualité de la viande de l'animal. C'est vraiment stupide. Donc, revoir ceci, baisser considérablement les consommations de viande et de poisson, 2 fois par semaine, c'est largement suffisant, en donner aussi aux enfants et aux personnes âgées, et puis retrouver de l'harmonie dans le système, ce qui veut dire que ne pas consommer plus que peut produire le système. Alors, pour l'élevage, il n'y a pas que les poissons carnivores, hein. On produit des algues, on produit des mollusques, on produit des crustacés, des poissons omnivores, moi je trouve que c'est très bien, hein. Des tilapias, des mulets, puisqu'ils consomment des protéines qui ne sont pas d'origine animale. Sur le saumon, je le suis assez, parce que transformer une chair de poisson en chair de poisson, pour des raisons de valeur de la sardine par rapport à la chair de saumon, on peut vraiment se questionner là-dessus. Hein. Alors, justement, puisqu'on se questionne, pourquoi la défense de l'environnement ne convainc que partiellement et les citoyens et les gouvernements? Alors aujourd'hui, et c'est bien, c'est un vrai progrès, plus personne, plus aucun gouvernement n'osera dire « oui, bon, l'écologie, c'est pas une priorité, tout le monde le dit », mais les actes ne suivent pas toujours. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre éducation? Oui, alors d'abord je fais une différence entre écologie et écologisme. C'est-à-dire? C'est pas la même chose. C'est-à-dire? Moi, je me considère comme un écologue, un chercheur qui travaille sur la science écologique. C'est quoi? C'est l'étude des relations entre les êtres vivants entre eux et avec leur environnement. L'écologiste, il est militant, politique. Hein, il se lance dans des actions. On a vu le cas de Watson, qui est un cas particulier et très intéressant. Et simplement, c'est que je disais souvent, pourquoi est-ce que les mouvements écologistes marchent mal chez nous? Parce qu'il manque d'écologues. Et par exemple, moi j'étais aussi, quand j'ai travaillé longtemps avec Ségolène Royal, et on avait discuté sur l'appellation du ministère de l'écologie, avant que Nicolas Hulot y vienne, et on avait enlevé le mot écologie. Pour une raison très simple, parce que c'est une science, l'écologie, et il n'y a pas de science, il n'y a pas de ministère de la physique, ou de la biologie, ou de la chimie. Et deuxièmement, dans la tête des gens, quand on parle de l'écologie, on pense écologisme. Or, le ministère de l'écologie n'était pas le ministère des écologistes. C'est ni de droite, ni de gauche. C'est du bon sens de réharmonisation entre l'humain et la nature qui l'entoure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne le présente pas forcément très bien. Moi, je suis quand même... Je ne tombe pas dans l'extrémisme, hein, parce qu'il faut retrouver une place de l'humain dans le système. Mais je suis entièrement d'accord avec Watson quand il parle de tuer la cupidité et l'arrogance. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on tue une économie actuelle qui consiste à faire du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. C'est jouable. Avec Edgar Morin, on en parle souvent. C'est éviter ce probable qui nous paraît assez menaçant et catastrophique. Hein. Eh bien, faire tout, et c'est ce qu'on fait grâce à vous et cette émission aujourd'hui, faire tout pour que ce probable-là, ce que fait aussi Watson, ne se produise pas. C'est ce que vous appelez l'économie éco-centrée? Quand vous parlez d'économie, oui, par l'harmonie, exemple. Par exemple, c'est ça? C'est ça, oui, si vous trouvez... Allez-y, allez-y. C'est retrouver, si vous voulez, du bon sens. Hein. C'est ça qui nous manque. C'est pour ça que je dis que c'est ni de droite ni de gauche. Hein. L'écologie, elle n'est pas liée à un système particulier. C'est comment est-ce que l'humain admettra demain qu'il n'y aura pas de santé durable sans principes écologiques. Oui. Il n'y aura pas d'agriculture durable et soutenable sans principes écologiques, parce que ce sont les principes même de la base du vivant. Donc, polyculture, voilà. Il faut de la variabilité. Mmh. Vous savez, on va conclure, Gilles Boeuf. En augmentant la biodiversité, pas en la détruisant. Ben voilà, ce sera le mot de la fin, en forme de morale. Merci infiniment, Gilles Boeuf. Au revoir. Vous étiez à Bordeaux, je vois que je le précise. Je suis à Bordeaux, dans les studios de France Bleu Gironde. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'épopée de Sea Shepherd, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Théo Gomard qui était à la technique aujourd'hui, puisque j'en suis au remerciement. Et bien merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Simon Maisonhomme, Adrien Cara, Jeanne Maillard et Margot Opinel. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Lecture, Philippe Pierra. Reportage, Anaël Verzo. Réalisation, Fabrice Lengle. Demain, même heure, ce sera la fiction, elle sera consacrée à Pauline Dubuisson.